Qu'est-ce que tu feras l'été prochain ? Je ne sais pas exactement, je partirai peut-être en Angleterre. Ah bon ? Et où est-ce que tu iras ? À Londres. J'ai des amis là-bas, ils habitent dans la banlieue de Londres. Tu vivras chez eux ? Non, je n'habiterai pas chez eux, je chercherai probablement un appartement à partager avec un ou deux autres. C'est assez courant là-bas. Tu ne travailleras pas ? Si, je crois que je trouverai facilement un petit boulot, pour l'été au moins. Ça sera bien. Oui, et puis comme ça j'apprendrai l'anglais. Ce sera plus intéressant qu'à la fac. Tu veux dire que tu rencontreras une charmante anglaise ? Non, je plaisante. Sérieusement, tu prendras des cours quelque part ? Oui, je chercherai une école ou un bon professeur. Tu verras, je ferai des progrès spectaculaires et je parlerai mieux que toi. Ce n'est pas difficile. Et qu'est-ce que tu feras d'autre ? Tu feras un peu de tourisme ? Oui, bien sûr. Je verrai sur place. En fait, cela dépendra des possibilités et de mes finances. Je t'imagine très bien à Londres. Tu prendras le bus, tu feras ton jogging à Hyde Park et tu passeras tes soirées dans les pubs. Tu veux dire que je connaîtrai toutes les boîtes de Londres ? Bien sûr, elles sont super, non ? Bon, et après l'été, tu resteras là-bas ou tu reviendras ici ? Franchement, je ne sais pas. Je resterai peut-être là-bas. Tu comprends, faire une expérience internationale, c'est toujours intéressant. Oui, et après, tu pourras revenir ici avec une double compétence, linguistique et professionnelle. C'est vraiment une très bonne idée. Alors, tu viendras me voir à Londres ? Évidemment.